Et comme à tous les lundis, on rejoint Raymond Poirier qui est avec nous pour parler technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, eh bien, on a un invité avec nous. Exactement, puisque jeudi de cette semaine, donc le 24 octobre, 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, on présente une conférence qui s'appelle « Les infoguerres et la sécurisation de l'Internet ». C'est une conférence qui sera donnée par Stéphane Lemann-Langlois, qui est professeur à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du risque. Et justement, peut-être un peu pour mettre la table en route vers cette rencontre qu'il nous proposera jeudi, eh bien, on l'a convié à nous rejoindre ce lundi. Donc, il est avec nous au bout du fil. Monsieur Lemann-Langlois, bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, en fait, j'ai l'impression que les auditeurs, auditrices s'entendent parler de plus en plus de cyberterrorisme, cyberattaque, cyberguerre, de la nécessité de protéger nos informations, nos ressources virtuelles, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une distance entre l'imaginaire qui est construit autour de ça et la réalité sur le terrain de ce type de conflit, de ce type de menace. Oui, effectivement, et c'est un peu cette espèce de crevasse, si on veut, entre la réalité puis ce qu'on en connaît, qui permet à toutes sortes de personnes, en fait, de construire un peu n'importe quoi là-dedans. Bon, on va avoir des industriels qui vont nous vendre des produits, donc ils vont identifier dans cette espèce de trou là, de non-connaissance, là, ils vont nous identifier des problèmes qu'on est supposé avoir, puis ils vont réussir à nous vendre des solutions technologiques pour faire face à ces problèmes-là. On a des assureurs qui vont nous assurer contre le vol d'identité. On a des gouvernements qui vont nous dire oui, il y a des grosses menaces, mais faites-vous-en pas. On est là pour vous protéger. Cependant, on aurait besoin peut-être de d'autres lois, de nouvelles lois qui vont venir peut-être un peu fouiller dans vos affaires, mais on a besoin de ça pour vous protéger. Et on a toutes sortes d'autres organisations gouvernementales qui disent oui, c'est bien beau de faire des lois, mais il faudrait aussi qu'on ait des budgets pour pouvoir les appliquer. Donc, on a toute une foule d'acteurs, en fin de compte, qui profitent de cette espèce de distance-là qui est entre la réalité des menaces sur Internet, des vulnérabilités, et ce qu'on est capable d'en dire dans les médias, en fait, parce que, je veux dire, grosso modo, c'est ça qu'on est dans une société branchée, entre guillemets, si on veut. On a aussi une génération de jeunes là, qui sont supposés être très bons dans Internet, mais quand on gratte un peu la surface, là, la peinture là, de ce monde branché-là, on s'aperçoit que notre connaissance collective là, de la technologie qui est en arrière des bidules qu'on utilise là, est extrêmement partielle, sinon non existante. Mais on parle de la distance qui peut s'installer. Il y a aussi le fait que ce n'est pas tangible. C'est des données sur Internet, on n'y a pas accès. Si on a un vol chez nous, on se rend compte que, bon, on avait des biens, on n'en a plus. Mais sur Internet, c'est peut-être plus difficile à saisir. Oui, effectivement, c'est la notion, en fait, là, vous touchez quelque chose de très important, parce que la notion de vol d'informations, en fait, c'est pas juste... c'est sûr que c'est une grosse préoccupation pour le citoyen moyen, puis on lui dit, ben écoutez, vos informations sur Internet peuvent être... pourrait être volé par une panoplie de gens, là, et donc vous devriez mieux les protéger. Mais on a aussi toute une industrie de la musique, puis du cinéma, puis des livres, etc., qui nous disent aussi, ben là, écoutez, vous volez l'information, vous volez des films, vous volez des chansons, vous volez des disques, alors que ben, c'est clairement pas tout à fait la même chose que de voler dans un... C'est pas du vol à l'étalage, là, hein, parce que c'est un bien qui ne disparaît pas. C'est ce qu'on fait, c'est faire une copie qui est non autorisée, mais c'est pas vraiment un vol. Donc, on a un espèce de flottement. On a la difficulté de calculer dans notre tête, là, ça ressemble à quoi au juste qu'on fait sur Internet. C'est sûr que pour certains, c'est très pratique de dire, ben, c'est du vol, et donc c'est criminel, et donc vous devriez pas le faire. Mais je pense que l'internaute moyen sait très bien que c'est pas tout à fait la même chose que de voler une palette de chocolat au dépanneur, là. Parce que la palette de chocolat, elle disparaît, mais la chanson sur un torrent, elle disparaît pas. Elle se multiplie à l'infini. Et donc, cette notion-là du vol est particulièrement intéressante, là, de la façon qu'on essaie de... chacun, évidemment, essaie de jeter une espèce de lumière particulière dessus qui sert ses intérêts. Et ça, c'est vraiment fascinant. Oui, et j'imagine que la grande difficulté à travers tout ça, c'est d'essayer de distinguer au travers de ses intérêts individuels, de ses intérêts d'association, d'État, mais de trouver l'intérêt social, notre intérêt collectif là-dedans, et de réussir à trouver les termes, à trouver les éléments, les définitions, les réglementations pour bien accompagner un peu tout le monde, dans le fond, à travers l'exploration de ce spectre-là. Ben oui, c'est sûr. Puis ça, on voit une grosse problématique aujourd'hui, c'est l'intimidation en général, évidemment, mais l'intimidation sur Internet en particulier. Parce on a mis l'étiquette cyber, là, on appelle ça la cyber-intimidation. C'est le fun quand on met cyber en préfixe, on a l'impression de comprendre les choses. Mais grosso modo, on s'aperçoit que cyber-intimidation, c'est une espèce d'énorme poubelle dans laquelle on a mis tout un paquet de choses et on a de la difficulté à définir ça correctement, mais ça n'empêche pas que des gouvernements se lancent dans l'aventure d'essayer de légiférer là-dessus dans les maritimes. Après la mort de 21 personnes en particulier, là, on a mis sur pied des lois pour responsabiliser les gens sur Internet, mais en fin de compte, si on lit le texte de loi, on s'aperçoit que finalement, on n'a plus le droit de dire quelque chose sur Internet si la loi est effectivement appliquée. Mais enfin, la loi, dans son texte, dit très clairement qu'il faut éviter de dire des choses blessantes sur Internet. Mais là, si on... choses blessantes, c'est quand même vague, là. Mm-hmm. C'est-à-dire que, c'est sûr qu'on a les meilleures intentions, mais afin de prévenir l'intimidation, ben là, on vient de mettre le doigt dans l'engrenage là, de la censure vraiment extrême, parce que, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire qui va blesser personne dans le monde, hein. Je veux dire, on a tellement de sociétés pluralistes avec un paquet de gens qui parlent des choses différentes. On peut à peu près rien dire qui fasse plaisir à tout le monde, sauf si on parle de tarte aux pommes. Et ça, dans un contexte aussi où on semble prôner chez d'autres une espèce de neutralité dans le web, donc d'essayer de faire un État qui est un peu hors de l'État ou hors de certaines législations, ou d'essayer de trouver au contraire une manière d'accorder les législations de par justement le côté un peu, disons, intangible de cette sphère d'influence-là. Oui, puis ça, on arrive à, quand on commence à parler de ça, évidemment, quand on prône la neutralité, quand on essaie de convaincre d'autres gouvernements de faire aussi bien que nous, les Américains sont très bons là-dedans, et on s'aperçoit que les Américains eux-mêmes, on s'en aperçoit de plus en plus avec les révélations là, de M. Snowden qui nous sortent au compte-gouttes à chaque semaine, qu'en fin de compte, la surveillance, le contrôle d'Internet, le blocage de contenu, l'invention, la fabrication de contenu faux, c'est pas juste les Chinois qui font ça. Les Américains sont impliqués là-dedans jusque par-dessus la tête. Et donc, quand on commence à prôner une sorte de vision d'Internet, et bon, on utilise des beaux mots, etc., puis ça a l'air bien. Là, Hillary Clinton, quand elle était secrétaire d'État, là, elle faisait vraiment un des chevaux de bataille, c'est vraiment ça, de la libéralisation d'Internet là, à travers le monde. Ben quand on s'aperçoit que, quand on tourne la lancée à l'envers, on s'aperçoit que, wow, peut-être que le modèle américain est pas vraiment le mieux, au point que maintenant on commence à se demander si la gestion d'Internet là, qui continue d'être localisée aux États-Unis, si cette gestion-là devrait pas être déplacée ailleurs, parce que de moins en moins de monde font confiance aux Américains pour se charger de tout ça. Et à l'intérieur de tout ça, on parlait tout à l'heure de l'imaginaire qu'on a face à ces réalités-là, aux réalités du web. On en remarque, quand on observe les termes, que la majeure partie des éléments sont inspirés un peu d'un imaginaire guerrier. Est-ce qu'on a l'impression que c'est un imaginaire qui vient desservir peut-être aussi la compréhension de ce qui se passe vraiment sur le web? Oui, effectivement. Ça, c'est pas propre à la sécurité sur Internet, parce qu'on a déjà... On a la guerre contre les drogues, par exemple, la guerre contre la terreur, le terrorisme, etc. Donc, d'utiliser le suffixe ou le préfixe guerre, cyberguerre, guerre contre, etc., c'est pas nouveau, la guerre contre le cancer. Bon, on utilise le mot guerre comme métaphore un peu partout, là. C'est pas vraiment propre à Internet. Par contre, quand on regarde l'application qu'on en fait sur Internet, l'imaginaire guerrier, comme vous dites, la symbolique, et je montrerai plusieurs images là-dessus qui sont quand même assez parlantes. Ce qu'on est en train de faire, c'est en fait, on met de l'avant un discours qui légitimise une présence militaire réelle. C'est-à-dire que c'est pas juste une... Bon, quand on disait la lutte contre le cancer, ça veut pas dire qu'on va mobiliser, on va pas activer les forces canadiennes là, contre le cancer, mais par contre, quand on dit la cyberguerre, là, on mobilise les forces canadiennes. Là, on veut que les militaires s'en chargent, là, et de la plupart des pays ont mis sur pied des détachements de cyberguerre, et à ce moment-là, on assiste vraiment à une militarisation quand même assez importante d'Internet. Bon, c'est peut-être un retour aux sources, là. On sait très bien que Internet, c'est une invention de la DARPA, là, donc donc c'est une invention de l'armée américaine qui avait laissé partir son bébé tôt ou tard, c'est-à-dire il fut un temps là, dans les années 80, mais qui peut-être maintenant va chercher son bébé pour reprendre le contrôle de tout ça. Effectivement, la logique de la guerre, la symbolique de la guerre est une façon très forte là, de justifier tout ça. Mais quand on parle de guerre, par exemple, on pourrait imaginer une espèce de milice ou une guérilla à travers peut-être le mouvement Anonymous qui se sert d'Internet pour faire des ravages ou du moins pour faire passer un message. Oui, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, les membres d'Anonymous se présentent comme étant une sorte de force de résistance. Donc, la logique semi-guerrière, la logique de la résistance à l'occupation militaire, eux autres aussi l'utilisent, effectivement. Tout à fait vrai. Peut-être à tort, parce qu'effectivement, c'est un peu cette espèce d'escalade là vers le militaire, de plus en plus militarisé, de plus en plus la logique de la guerre. C'est sûr que si on l'adopte, mais en tant que résistant, ben on a beau résister en l'adoptant, forcément, on la met d'avant quand même un petit peu aussi. Et ça ramène à la question, comme vous le disiez tout à l'heure, des choix militaires qui sont faits, des investissements qui sont faits, que ce soit au Canada comme ailleurs. Et la question, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait pas assez, et surtout, est-ce qu'on le fait bien? Ben c'est ça, c'est que en fait le l'internaute moyen se retrouve maintenant. On lui parle beaucoup de hackers, on lui parle de réseaux criminalisés qui pourraient s'attaquer à son information. Puis là, c'est pas juste de la voler, mais c'est de la prendre puis de l'utiliser à mauvais escient, généralement du point de vue financier, donc voler son argent. On lui parle de gouvernement étranger qui s'intéresse peut-être pas à lui en particulier, mais qui s'intéresse à l'information du Canada, et donc en tant que citoyen canadien et victime indirecte de l'ingérence de gouvernements étrangers dans les systèmes informatisés du Canada. On lui parle de corporations, peut-être, qui viennent voler son information, l'utiliser à toutes sortes de choses. Sauf que les réponses qu'on fait, les réponses que les gouvernements ont mis sur pied pour essayer de contourner ou de, en fait, pour dans la logique de nous protéger contre ces choses-là, ben ces réponses-là, en fin de compte, quand on les regarde d'un peu plus proche, on s'aperçoit que ces réponses-là sont juste un ajout, une chose de plus qui vient s'attaquer à la liberté et au pouvoir de l'internaute moyen sur Internet. Et donc, au lieu d'être protégé, on a juste une faction de plus dans l'univers là des menaces contre notre société, notre sécurité individuelle. Et Stéphane Lemel-Langlois, on le mentionnait dès le départ, donc jeudi 24 octobre prochain, vous allez être à la bibliothèque Gabriel-Leroy pour une conférence, donc Infoguerre et la, entre guillemets, sécurisation d'Internet. Sur quoi un peu autour de ces thématiques-là vous allez amener les gens présents? Oui, ben c'est ça, je pense que l'argument central de la conférence, c'est effectivement le fait que au lieu qu'on ait des menaces et des gens pour nous protéger, on commence à avoir juste une suite sans fin de choses qui viennent retirer un peu de notre autonomie sur Internet, qui sont en train de dénaturer l'Internet. Bon, c'est peut-être pour le mieux. En fait, moi, je suis pas là pour faire de la politique non plus. J'essaie on va essayer de décortiquer ça ensemble et de voir qui sont les acteurs principaux, qu'est-ce qu'ils ont en jeu dans tout ça et qu'est-ce que ça nous coûte, nous, parce que c'est pas faux de dire qu'il y a effectivement des réseaux criminels qui veulent votre information pour vous la voler. Mais c'est pas une mauvaise idée de nous protéger contre ça. Sauf que la manière dont on va nous protéger ne devrait pas ajouter au danger qu'on court quand on va sur Internet. Donc ça, je pense que c'est l'argument, le fil conducteur là, qui va passer à travers les 90 minutes ou en tout cas 60 minutes plus des questions qu'on va faire jeudi soir. Et on va passer à travers toute la symbolique de la guerre. On va essayer de voir comment le discours gouvernemental est construit. On va essayer de voir quelles sont les réponses qui sont mises de l'avant maintenant. C'est quoi les menaces, mais où sont engagés les budgets qu'on dit vouloir dépenser pour nous protéger contre tout ça? On va essayer de faire le point là-dessus. Alors, on lance donc l'invitation à aller vous entendre donc jeudi, je le rappelle, le 24 octobre prochain, 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy. L'invitation est lancée et l'entrée est libre également. Stéphane Lemel-Langlois, donc titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du risque de l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à jeudi. Oui, merci beaucoup. Mais merci à toi, Raymond, de cette invitée. On te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Et entre les deux, on retrouve celle qu'on a fait et celle-ci même sur votre site. Exactement, itis.ulaval.ca. Et si on n'a pas eu le temps de tout noter, l'information concernant l'événement de jeudi, on l'y retrouve également.